À l'occasion du 22e anniversaire de la publication de l'œuvre classique du général Kim Jong-il, « Le socialisme est une science », le Centre d'études des études du Brésil a fait une rédaction spéciale dans son homepage d'Internet. Avec une photo du général Kim Jong-il, le homepage a présenté un écrit sous le titre « 22e anniversaire de la publication de l'œuvre « Le socialisme est une science » » qui indique cette œuvre classique, publiée le 1er novembre 1994, confirme la vérité scientifique, la pertinence et la supériorité du socialisme. Aujourd'hui, l'humanité progressiste prend cette œuvre du général Kim Jong-il pour guide inébranlable et lutte pour la victoire du socialisme au niveau mondial.